Lettre 11e de Gibraltar. En temps de guerre, les forces de la garnison sont toujours en raison des craintes qu'on éprouve. Elles se composent aujourd'hui de 4 régiments anglais et hanovriens et d'un régiment de nègres des Indes occidentales, formant tout 5000 hommes. Milordon entretient parmi ses troupes une discipline sévère. Leur tenue est fort belle et je les crois très exercés si j'en juge par quelques manœuvres que je leur ai vues exécuter. Les habitants de Gibraltar conservent le costume et les mœurs de leur pays. Quelques-uns cependant s'habillent à l'anglaise et m'ont paru adopter les manières et le ton de leurs dominateurs. Les femmes se couvrent en général d'une mantille rouge bordée de velours noir ornée d'une frange de dentelle. Et sous ce costume, peu favorable à l'élégance de leur taille, elles trouvent encore le moyen de s'embellir en se drapant avec autant de coquetterie que la plus jolie et la moins superstitieuse des Andalouses. Les Juifs n'ont pas de costume fixe, mais ils adoptent celui de l'individu qu'ils veulent duper. Ainsi, ils endossent un manteau s'ils traitent avec un Espagnol, un habit long, serré et pointu s'ils sont en relation avec un Anglais, et se coiffent d'un turban si c'est un Turc qu'ils ont choisi pour victime. Le commerce, dit-on, est considérable à Gibraltar. Je n'ai pu me le persuader quand j'ai vu le petit nombre de bâtiments qui croupissent dans la rade, moins sûrs, mais plus grandes que celles de Toulon. Nul luxe, nulle société, nul amusement. Chacun vit chez soi et pour soi. Les Anglais, cependant, ont établi une bibliothèque fort belle où se réunissent journellement ceux d'entre eux qui ont le goût des lettres. Nous y avons été. Il n'y avait personne. J'y suis revenu et je n'y ai trouvé que le bibliothécaire qui est français et un colonel anglais regardant des caricatures. Milordon s'occupe beaucoup d'agriculture. Il a promis des récompenses à ceux de ses administrés qui cultiveraient le plus de pommes de terre, et grâce à ses soins, on commence à apprécier les avantages de ce genre de culture. Milordon nous aurait bien offert à dîner, mais le cuisinier de Milordon était à la campagne. Il en parut très fâché. On prétend que le consul algérien a trouvé le moyen d'embellir pour lui ce séjour de tristesse et qu'il affecte un luxe asiatique. Un juif m'a assuré que son hôtel lui coûtait plus de 800 000 francs, et que s'il le voulait, il achèterait lui seul et le port, et la ville, et tous ses habitants. « Mais les juifs se vendraient-ils ? » lui dis-je. « Les juifs vendent de tout, monsieur. » Pendant notre séjour à Gibraltar, nous avons appris qu'on avait étranglé le dey d'Alger. Sans en être troublé le moins du monde, le consul a continué ses opérations et ses amusements. Dans sa correspondance, il n'écrit jamais le nom de son souverain, dans la crainte que ses concitoyens ne l'aient déjà oublié lorsque ses lettres arriveront. Heureux les pays où la mort d'un prince est regardée comme une calamité générale. J'avais oublié de te dire que le rocher de Gibraltar est peuplé d'une quantité prodigieuse de singes apportés probablement de la côte d'Afrique et qu'on trouve parmi ces pierres une espèce de cornaline marbrée dont on fait de jolies boîtes et de superbes cachets. Du reste, le botaniste aura tort de chercher à enrichir son herbier sur cette montagne dont je m'éloigne sans regret, mais que je suis enchanté de connaître.